السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، موضوعنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في حياة المسلم. Notre sujet sera la connaissance du prophète صلى الله عليه وسلم et son effet ou ses effets dans la vie du croyant. تكلمنا وتحدثنا بعد صلاة العصر في وعن أعظم الأمور معرفة الله سبحانه وتعالى وحقه على عباده. Après la prière du Asr, nous avons parlé de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son importance, du fait que c'était la science la plus obligatoire pour le serviteur et que ses effets sur son cœur, sur sa personne, étaient des plus profitables et des plus sublimes. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق وأوجب عليهم أمورا خلق الخلق ليفردوه بالعبادة وحده دون من سواه. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses créatures et leur a donné une ligne de conduite, leur a ordonné des choses, interdit d'autres. Et pour ce faire, car la créature d'elle-même, le serviteur de lui-même, ne pouvait savoir ce qu'Allah aimait de ce qu'il n'aimait pas, le chemin qui menait à son agrément de celui qui menait à son courroux, arsala rusula, il a envoyé ses messagers et ses prophètes. Li ghayatin wahida ومقصد عظيم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى n'a pas créé, ne nous a pas créé en vain et nous a pas laissé sans nous ordonner ni nous interdire. Il a plutôt envoyé les prophètes et les messagers afin qu'ils nous enseignent le droit d'Allah sur nous, qui n'est autre que de l'adorer seul sans rien lui associer, et afin qu'ils nous montrent le chemin qui mène à son agrément subhanahu wa ta'ala. وخاتم الأنبياء والرسل هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Et le dernier des prophètes et messagers, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et sans aucun doute, les assises durant lesquelles ou dans lesquelles nous parlons des pieux prédécesseurs, des compagnons, des imams et savants de l'islam sont les assises dans lesquelles nous prenons beaucoup de plaisir. Que dire alors si c'est une assise dans laquelle nous allons parler de l'imam de Dunya, des djinns et des ins? Que dire alors si nous parlons ici de celui qui a été aimé, préféré, choisi et élu par Allah tabaraka wa ta'ala? فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله تبارك وتعالى. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est la meilleure des créatures. هو خير الرحمة, c'est le bien-aimé d'Allah سبحانه وتعالى. وهو خاتم الأنبياء, par lui Allah عز وجل a clôturé l'envoi de ses messagers, de ses prophètes, ainsi que sa religion. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah Azza wa Jalla nous enseigne qu'il a parachevé cette religion, qu'il a accompli sur nous son bienfait et qu'il a choisi comme religion pour nous l'islam. Cela de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir les gens du paganisme et de l'ignorance vers la science et l'islam. Par lui, Allah Azza wa Jalla a fait sortir les gens du polythéisme vers le tawhid. Par lui, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé les gens de la division et de la haine vers l'union et l'amour. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ. Et quel était l'état des sociétés, que ce soit dans la péninsule arabique, ou chez les Romains, ou chez les Perses, ou autres, avant l'avènement de l'islam et l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans un égarement évident comme Allah Azza wa Jalla l'a dit en Coran. Et le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla accorda à ses peuples, c'est l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah vous a certes fait don d'une grande grâce lorsqu'il envoya parmi vous un messager issu d'entre vous afin qu'il vous récite ces versets, vous purifie, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Quel était l'état des communautés? Le polythéisme dans l'adoration, beaucoup étaient dans le shirk. Ils étaient divisés, ils se combattaient. Il y avait des guerres incessantes, que ce soit entre les tribus des Ansar, l'Aus ou l'Khazraj, ou que ce soit entre les gens de Mecca avec les autres. Et quand Allah Azza wa Jalla a voulu pour eux le bien, il a fait sortir cette lumière de Mecca. هذا النبي الكريم من تبعه فاز في الدنيا والآخرة ومتابعته فرع عن معرفته ومعرفة سيرته وهدي عليه الصلاة والسلام. Ce messager a une place telle que celui qui le suit réellement obtiendra la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il n'y a pas de chemin qui mène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est le chemin sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam. Mais d'emprunter ce chemin nécessite une connaissance, la connaissance de ton prophète, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu peux suivre son chemin si tu l'ignores? Comment est-ce que tu peux suivre sa sunna si tu l'ignores? Il se peut qu'un homme reste 20 ans dans l'islam en pensant qu'il est sur quelque chose, alors qu'il est au sein des adeptes de l'innovation. Et tout ce qu'il fait, Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith d'Aïcha radiallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. الله عز وجل n'accepte pas ce qui est fait comme adoration si ce n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمن هذا الرجل ومن هذا النبي وماذا كان بلده وعمره عند بعثته ومن أزواجه وأولاده إلى ماذا دعا أين توفي أين هاجر. لابد أن نعرف شيئا عن سيرة رسولنا وحبيبنا ونبينا والمقدم عندنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il nous faut donc obligatoirement connaître un minimum de la biographie du meilleur d'entre nous, de notre prophète et messager, de notre bien-aimé, de notre exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa min al-arab kama ta'rifu. Wal arab aqsam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe. Mais il n'a pas été envoyé qu'aux arabes. Wa rasul min rabbil alamin ila an-nas ajma'in. C'est le messager du Seigneur des mondes qui a été envoyé à l'ensemble des gens. Qul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'an. C'est le messager d'Allah à l'ensemble des gens. Fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arabiyan wal arab minhum al-'ariba wa minhum al-musta'ariba. Et chez les Arabes, il y a plusieurs groupes. Il y a Al-Ariba wa hum qaba'ilul Yaman. Il y a ce qu'on appelle Al-Ariba. Ce sont les tribus qui viennent du Yémen. Comme Al-Ansar, par exemple, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et il y a Al-Musta'ariba wa hum min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim alayhim wa ala nabiyyina as-salatu was-salam. Et il y a ceux qui remontent à Ismaïl alayhi salam, fils d'Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, remonte. Yani sa lignée remonte à Ismaïl alayhi salam. L'ensemble des prophètes, après Ibrahim alayhi salam, remonte à Ishaq. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, sa lignée remonte à Ismaïl. Certains savants ont ajouté une catégorie chez les Arabes, Al-Ba'ida, ceux qu'Allah Azza wa Jal a exterminés, ils n'ont pas eu de descendance comme Aad et Thamoud. Na'am, barakallahu feikum. Fal-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa afdalun nasi nasaban, wa qabilatuhu ahsanul qaba'il, wa nasabuhu ashrafuha wa azkaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la meilleure tribu. Na'am, du meilleur, na'am, de la meilleure tribu, il a donc la meilleure ligne, il remonte à Mudar, qui sont les plus nobles des Arabes. Et lorsque Hiraql a questionné Abu Sufyan, radiallahu anhu, il lui a demandé quel rang a-t-il dans la lignée auprès de vous. Na'am, Abu Sufyan a répondu, vous nasab, il est chez nous dans la noblesse. Il fait partie des nobles. Na'am. Et Hiraql a répondu, فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ. C'est ainsi que sont les messagers, c'est-à-dire qu'ils font partie des plus nobles de leur peuple, Rawahu al-Bukhari. Et ils faisaient partie de Banu Hashim. Na'am. Comme le Prophète sallam l'a dit, وَمَاذَا وَاصْطَفَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمْ وَمُحَمَّدْ. Na'am. Asharu asma'ihi, son nom le plus connu, c'est Muhammad. Et c'est dans le Coran, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et il a plusieurs noms. Na'am, il a plusieurs noms. Quant au sens de son prénom Muhammad, aywa alladhi yuhmadu li kathrati khisalil hamida, le sens de son prénom, Muhammad, signifie celui qui est loué de par ses nombreuses qualités. Wa kana kadhalik, et c'est ainsi qu'il était sallallahu alayhi wa sallam. Huwa Muhammad ibn Abdullah. Abdullah, c'est le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib a eu 10 enfants. Le plus jeune d'entre eux est Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, ismu Shaybah. Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abd al-Muttalib. Ça veut dire le servant de al-Muttalib. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi? Car un jour, en revenant de voyage, il était derrière Mada, une personne de sa famille. Et Kana, yani le voyage l'avait fait quelque peu bronzer, il était dans un état modeste. Donc lorsqu'ils ont dit, ils ont demandé à Al-Muttalib, qui est-ce? Il a dit Abdi. Donc ils l'ont surnommé Abd al-Muttalib. Et certains ont pensé que c'était son esclave. Ils ont dit Hada Abd al-Muttalib. C'est resté. Ensuite, c'est resté. Cette appellation lui est est resté. Fa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib, ismu Shayba ibn Hashim. Ibn Hashim, Hashim sans surnom. Son prénom c'est Amr. Naam, il a été appelé Hashim car c'est quelqu'un de très généreux. Et lors d'un voyage, alors qu'il y a eu une grande famine, Naam, il a sacrifié des bêtes pour les gens dans le besoin. Et aussi, il fut dit que c'est le premier à avoir amélioré la farine qu'il consommait. Naam, celui qui mange une farine dans laquelle il a ajouté de l'huile et certaines choses, ça n'a pas le même goût. Naam, donc ils l'ont surnommé Hashim. ويرجع نسبه إلى ماذا إسماعيل؟ et sa descendance remonte ou bien sa lignée remonte jusqu'à إسماعيل qui est fils d'Ibrahim عليه السلام وعلى نبينا والصلاة وأزكى التسليم. Ceci est du côté de son père. Quant au côté de sa mère se nomme Amina. نعم بنت وهب. Sa mère se nomme Amina qui est la fille de Wahb. Ibn Abd Manaf. Donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint la lignée de son père. La mère, la lignée de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint la lignée du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tous deux remontent à Abd Manaf. Parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a également Ahmed. Al-Mahi, alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, al-Hashir. الذي يحشر الناس إلى قدميه نعم كذلك من أسمائه العاقب لا نبي بعده parmi ses noms il y a Ahmed, il y a الماحي celui qui efface, celui par lequel Allah efface le kufr, il y a العاقب celui après lequel il n'y aura pas de prophète, il y a الحاشر celui auprès duquel sont rassemblés les gens نعم. Donc il a la lignée la plus noble et c'est la mère des créatures. Comme il l'a dit, Ana Sayyid waladi Adam wala fakhr. Je suis le meilleur des fils de Adam sans me vanter. Ça n'est pas par orgueil, ni, non, mais c'est plutôt pour se faire connaître, pour qu'on connaisse son rang, pour qu'on connaisse sa place. Contrairement à ceux qui disent je viens de telle tribu, je viens de telle famille, je viens de tel pays, j'ai telle nationalité, ou j'ai telle couleur. Et ils visent par cela rabaisser les autres et s'élever eux. Hada muharram fil islam. Le fait de critiquer les mada, la lignée des autres, et de se vanter de la nôtre pour se montrer qu'on est meilleur qu'eux, par une couleur, par un lien, par un nom de famille, هذا محرم في الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى لتعارفوا. Allah nous a créé différemment, لتعارفوا, pour qu'on se rencontre. Il n'a pas dit لتفاخروا, لتتفاخروا, non. Puis il nous enseigne le meilleur d'entre nous. Est-ce que c'est par l'argent? Par la beauté? Par la couleur? Par le nom de famille? Par les actions du père? Des ancêtres? Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Hada muhimun jiddan. Ça, c'est un point très important car il y a des cœurs qui sont souillés par ce défaut de la jahiliya. Ça n'est pas une qualité qu'il y a dans l'islam. L'islam a plutôt combattu cela et interdit cela. Wallahu al-musta'an. Amma Maulidou, deuxièmement, après avoir parlé de sa lignée, Maulidou, sa naissance, wa baladuhu Mecca. Il est né à Mecca. Son pays est donc Mecca. Ashrafu biqa'il ard. Il est né dans le meilleur endroit au monde. في مكة حفظها الله ولد عام الفيل il est né l'année de l'éléphant. Les arabes dans la généalogie ou plutôt dans les dates, ils arrêtaient des dates selon les événements. Lorsqu'il y avait un événement majeur, ils appelaient cette année par l'année de tel événement. Ben, un des événements qui a eu lieu lors de la naissance du prophète sallam, lors de la naam de l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Abraha est sorti naam de son pays pour venir détruire al-Ka'ba. Pour détruire quelque chose, al-Ka'ba. Pourquoi? Car eux-mêmes, pour détourner les gens de la Ka'ba, ils se sont construits une Kaaba. Que s'est-il passé? Il y a un homme qui est parti humilier leur œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans leur Kaaba et il a fait ses besoins dans la Kaaba. Puis il est parti. Lorsqu'ils ont vu cela, ils se sont mis en colère. Ils ont dit, on va détruire la Kaaba qui est à Mecca. Ils ont voyagé vers Al-Mazda, vers Mecca, accompagnés de Fiyala, accompagnés de Mazda d'éléphant. Naam, accompagnés d'éléphant. Puis, ils ont opprimé certaines personnes. Ils ont volé, ils ont pillé. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un qui avait une certaine prestance. Et il était très respecté. On lui avait volé ses chameaux, une centaine de chameaux. Il est parti trouver cet homme. Lorsqu'il l'a vu, il l'a craint, il l'a redouté. Parce qu'il avait une certaine prestance. Puis il lui a dit, que veux-tu? Il lui a dit, tu m'as pris mes chameaux, de quel droit? Rends-moi mes chameaux. Alors l'homme lui a dit, comme tu es étonnant. Je suis venu pour détruire votre lieu de culte. Et tu me parles d'une centaine de chameaux. Abd al-Muttalib lui a répondu, Ana Rabbul Ibil. Quant à moi, je suis le propriétaire de ces chameaux. Je suis venu te parler de ce qui m'appartient. Amma al-Ka'ba falaha Rabbuha yahmiha. Quant à la Kaaba, elle a un seigneur qui va la protéger. Puis il est reparti. Kuffar Quraysh. Kuffar Quraysh immensifiaient et considéraient énormément la Kaaba. Malgré qu'ils étaient mouchrikoun, ils respectaient énormément la Kaaba. Ils la vénéraient et ainsi de suite. En chemin, l'éléphant ne voulait plus avancer. Habasahu Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat. Lorsqu'on lui disait d'avancer, il ne voulait pas. Vers la gauche, il avançait. À droite, pareillement. Derrière, pareillement. Mais il ne voulait plus avancer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala hazamahum. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a madha. Yani arsala alim tayran ababi. Il a envoyé des oiseaux portant des pierres ou des choses semblables et ils ont lancé cela sur eux. Et ils sont tous morts et se sont retrouvés comme tels de la paille mâchée. Donc il est né, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de Mada de cet événement. Il est né un lundi, car lorsqu'on a questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi? Il a répondu, car c'est le jour où je suis né. Est-ce que cela veut dire qu'on a le droit de fêter l'anniversaire du prophète sallam comme beaucoup le font, par ignorance pour beaucoup d'entre eux? Est-ce qu'Abou Bakr a fêté l'anniversaire du prophète sallam? Oui ou non? Oui ou non? Non. Alors Omar peut-être? Non plus. Alors Othman? Non plus. Alors Ali peut-être? Non plus. N'est-ce pas que ces quatre personnes sont les Khulafar Rashidoun? Qu'on nous a ordonné de suivre? N'est-ce pas qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers? Une chose qu'ils ont délaissée, nous allons la faire. Soit nous sommes meilleurs qu'eux, alors, soit on s'est égarés. Soit nous sommes meilleurs qu'eux, soit nous nous sommes égarés. Celui qui faisait cela, Aliyan Touba ilallah, il doit dire Astaghfirullah, je ne savais pas où je me suis trompé. À partir de maintenant, je vais faire comme Abou Bakr, comme Omar, comme Othman, comme Ali et comme Sahaba, qu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous tous, qu'ils ont sacrifié pour être dignes, mais ils n'ont jamais fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens s'énervent des fois lorsqu'ils entendent cela. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que du zikr. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que des repas. Qu'est-ce qu'on fait? Hada dinullah, ma huwa din. Ça c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Nous n'avons pas le droit de la changer. Nous n'avons pas le droit d'ajouter à cette religion. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas parfait sa religion pour qu'on vienne nous la compléter? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma tufiya illa ba'da ikmali hada din. Allah n'a pas retiré l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est après avoir complété cette religion. Cette religion, elle est parfaite. Cette religion, elle est parfaite, elle est complète. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous dit que celui qui prétend qu'il y a une bonne bid'a dans l'islam, une bonne innovation, alors il aura prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. A'ouzou billah. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran que la religion elle est complète. Donc si toi tu viens après et tu dis qu'il y a une bonne innovation, ça veut dire que le prophète il a caché quelque chose. Celui qui pense ça, est-ce que c'est un musulman? Hein? Celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, que le Coran il n'a pas tout transmis, que la sunna il ne l'a pas transmise entièrement. Hein? أيبقى مسلما هذا؟ إن لله وإنا راجعون هذا الدين أيها الإخوة دين الله لابد أن نعظمه ونتبعه ونمتثل أوامر الله عز وجل. Ça c'est la religion d'Allah. Il faut la respecter. Il faut la considérer. Il ne faut pas l'altérer. Il faut la mettre en pratique. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que possible. Et ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est le din. Tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu délaisses ce qu'on t'a interdit. Les informations, tout ça te dit quoi? Hada huwa din. Hada huwa din. Amma al-bid'a wal-khurafat wal-muhdathat laysat min al-din fi shay. Fala budda an tatafaqqaha fi dinik. Ta'rif ma huwa min al-din wa ma laysa minhu. Barakallahu fik. Donc il est né le lundi. Na'am, de cette année, de l'année de Al-Fil, comme dans le hadith de Abi Qatada 'inda Muslim, rahimahullah ta'ala. Certains ont dit qu'il est né le 12, na'am, du mois de Rabi'. D'autres ont dit non, le 9. Et ils ont divergé, madha, sur le jour exact. À la kulli hal, il est né, madha, 'am Al-Fil, l'année Wabraha. Al-Ashram est venu pour détruire, il est venu du Yémen pour détruire Al-Ka'aba. Mais Allah Azza wa Jal, Azamah, Na'am wa Ahlakahum, wa Anzala Suratan, Yamunnu ala Quraysh, bihadi ni'ama. Allah Azza wa Jal a révélé une sourate pour montrer son bienfait à Quraysh. Deux mois après environ, le Prophète sallam est né. Après cet événement, environ deux mois après cet événement, le Prophète sallam est né. Avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques mois avant, son père est décédé, Abdullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu ce bienfait que nous avons eu, nous, pour beaucoup d'entre nous, d'avoir vu notre père. Donc avant même sa venue au monde, il est dans l'épreuve, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, il y a un réconfort pour tous les orphelins. C'est que leur ancêtre dans cela, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que tu es éprouvé, lorsque tu es orphelin, ou lorsque tu as une difficulté, cela ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. Car celui qu'il a aimé le plus a eu ses épreuves avant toi, et plus encore. Sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, il a été gardé par son grand-père Abdul Muttalib. Et éduqué en même temps par sa mère. Puis ce dernier aussi est décédé. Naam. C'est donc son oncle, Abu Talib, qui l'a pris avec ses enfants et qui l'a éduqué. Il l'a aimé. Naam. Il l'a vraiment aimé. Et il le protégeait, il l'aidait, il dépensait pour lui. Et le prenait tel son enfant, si ce n'est plus. Puis, une habitude qu'avaient les gens de Mecca, c'est qu'ils donnaient leurs enfants à des femmes pour être allaités à l'extérieur de Mecca, car il y avait certaines maladies, certaines épidémies. Naam. Donc ils étaient allaités et sevrés, puis ils étaient rendus à leur mère. Et ça a été le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui l'a pris est Halima al-Sa'diyya. C'est celle qui est parmi les plus connues de celles qui l'ont allaitée. Celle fait partie des plus connues parmi celles qui l'ont allaitée. Donc elle est revenue chez Bani Sa'd, elle l'a allaitée. Elle a vu certains parmi les miracles du prophète sallam et sa baraka, naam, alors qu'il était enfant. Barakallahu fikou. Puis, il lui est arrivé un événement. Cela nous amène au troisième point. Un événement qui lui est arrivé, qui échappe au sadr. On lui a fendu la poitrine. On a pris son cœur. On l'a lavé. Et on lui a remis. Na'am, comme c'est venu dans les textes. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était enfant. Il jouait avec ses frères de lait. Jibril est venu accompagné d'un autre ange. Ils ont attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont allongé, ils lui ont ouvert la poitrine. Et ses frères de lait ont vu cela. Ils sont partis en pensant qu'il était mort pour informer Halim, à leur mère, de cet événement. Ils ont lavé son cœur avec Zamzam et avec autre chose. Puis ils lui ont remis. Ceci s'est repassé à nouveau avant l'Isra wa al-Mi'raj. Ceci s'est repassé à nouveau avant l'Isra wa al-Mi'raj. Donc deux fois, on lui a ouvert la poitrine. Et à ce moment-là, certains savants disent que c'est à ce premier moment-là qu'il a eu Khatamu al-Nubuwa, le sceau de la prophétie. Na'am, un bout de chair, une excroissance qu'il avait derrière, yani sur le dos, plus vers le côté gauche. Et c'est un signe de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu plusieurs nourrices. Il a eu plusieurs nourrices, en plus de sa mère, Amina. Donc, comme je le disais plus tôt, son père est décédé avant sa naissance. Na'am. Par la suite, son grand-père l'a recueilli, puis il est également décédé. Puis il a été pris par Halima, Na'am al-Sa'diyya, Halima al-Sa'diyya, et elle l'a allaité quelques années. Quant à sa mère, elle est décédée. Quant à sa mère, elle est décédée quelques années après. C'est donc son oncle Abu Talib qui l'a recueilli. Parmi celles qui l'ont allaité, Na'am, et qui ont été sa nourrice, il y a Thuwayba. Et c'était la servante de Abu Lahab. Cette femme a également allaité l'oncle du prophète, sallam, Hamza. Hamza est donc son frère de lait en même temps qu'être son oncle et son frère de lait, Na'am. Parmi celles qui ont été ses nourrices, il y a une femme qu'on appelle Shaima. Na'am, une femme qui se nomme Shaima. C'est la sœur de Halima. Tayyib. Il y a également Umm Ayman, al-Habashiyya. Il y a également Umm Ayman, qui est une qissa connue à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est parti la visiter. Omar lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je vais visiter Umm Ayman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait de son vivant. Na'am. Puis, ils sont partis la visiter et elle a pleuré. Et ils lui ont dit, que t'arrive-t-il, y a Umm Ayman? Ne sais-tu pas que ce qu'a le prophète sallam est meilleur que ce qu'il a laissé ici? Elle lui a dit, je sais très bien que c'est meilleur ce qu'il a obtenu. Je ne pleure pas pour cela. Mais je pleure ala nqita' al-wahy. Mais je pleure parce que la révélation s'est arrêtée avec sa mort. Subhanallah. Hadi hiya Umm Ayman. Et certains pourraient se demander pourquoi est-ce que le prophète sallam a la lignée la plus noble, Na'am, pour que les gens ne puissent pas l'insulter à travers cela, et pour qu'on ne puisse pas démentir sa prophétie en disant voici une personne qui n'avait pas un haut rang dans la société et il veut s'anoblir en prétendant qu'il est prophète. Non, il a déjà le meilleur rang. Wadah. Tayyib. Quant à ses parents, ils ne sont pas décédés sur l'islam. Ils sont décédés dans le polythéisme. C'est pour cela que lorsqu'un homme est venu questionner le prophète sallam en lui disant « Où est mon père ?» Et il lui a dit « Finnar ». Pourquoi ? Parce qu'il était dans le shirk. Quand il est parti, il l'a rappelé, il lui a dit « Inna abi wa abak finnar ». Il lui a dit « Mon père ainsi que ton père sont dans le feu ». Dans un autre hadith, il a dit à ses compagnons « Attendez-moi là lors d'un voyage ». Puis il est revenu en pleurant. Et ils lui ont demandé que se passe-t-il à Rasulallah. Il a dit Sta'dantu Rabbi fi ziyarati ummi fa adina li. J'ai demandé à mon Seigneur la permission de visiter ma mère, il me l'a permis, c'est-à-dire sa tombe. Puis je lui ai demandé la permission de faire shafa'a pour elle ou de demander pardon pour elle, il me l'a interdit. Naam. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas décédée sur At-Tawhid. Et la personne qui ne meurt pas sur At-Tawhid, Allah Azza wa Jal, lui interdit l'accès au paradis. Naam. Donc lorsqu'on lui a ouvert la poitrine et qu'on a lavé son cœur et qu'on lui a enlevé la part du shaitan ou la part de l'emprise du shaitan sur lui, ceci était une préparation au grand avenir qui attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été remis à sa famille. Pourquoi? Lorsque cela a eu lieu, Shaq al-Sadr, Halima a eu peur. Parce que c'est une amana. Cet enfant, c'est une amana. Naam. Elle est partie, elle l'a rendue à sa mère. Peu de temps après, ou après cela, sa mère est décédée. Donc le prophète a été rendu à Mada à Quraysh. Quant à son enfance, il a eu une enfance préservée par Allah Azza. Allah l'a préservé dans son enfance. Les gens buvaient de l'alcool et ça n'était pas interdit, mais lui ne buvait pas avec eux. Les gens se dénudaient et écoutaient des mauvaises choses. Lui ne participait pas à cela. Allah Azza wa Jal le préservait. Dès qu'il y avait un mal, il le préservait. Une fois, ils ont fait une fête où il y avait du mal. Allah Azza wa Jal l'a endormi. Pour pas qu'il assiste à cela. Naam. C'était quelqu'un de pudique. C'était quelqu'un de jeune. Et il avait la plus belle des descriptions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne. Mais il était plus grand, et il penchait vers les grandes personnes, vers les personnes grandes de taille. Donc il était murabba'a, de taille moyenne, mais il tendait plus vers les personnes grandes de taille. Quant à sa couleur, il était blanc de peau, mais ça n'est pas la blancheur étincelante comme la personne qui est très pâle. Il n'était ni brun. Il était entre les deux, c'est-à-dire un blanc troublé d'un rougeâtre. Naam. Il avait une bouche large, sallallahu alayhi wa sallam, les yeux noirs. Et il avait un visage rayonnant, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas dans la longueur, il était plutôt rond que long. Sans pour être autant complètement rond. C'est pour cela que lorsque le compagnon a été questionné, Al-Kana mithl al-Saif, est-ce que son visage était semblable à l'épée? Il a dit là, mithl al-Qamar. Il a dit non, comme la lune. Et en sa beauté, et il tendait vers la rondeur. Il avait des cheveux, tantôt mi-longs à hauteur, l'espace entre le lobe de l'oreille et les épaules, tantôt coupé jusqu'aux oreilles et tantôt jusqu'aux épaules. Sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux n'étaient ni crépus ni complètement raides, mais plutôt entre les deux, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'extrémité de ses os qui était fort. Naam, et ça montre sa force, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des mains où on voyait la force. Pareil pour ses pieds. Naam, il n'était pas poilu. Il avait quelques poils qui partaient de la poitrine pour s'arrêter au nombril, sallallahu alayhi wa sallam. Ses omoplates étaient corpulentes. C'était un homme fort, alayhi salatu wa sallam. Et dans le combat, lorsque ça devenait difficile, il se mettait derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa démarche, c'est quelqu'un qui marchait avec dynamisme, il n'était pas faible ni paresseux dans sa démarche. Comme s'il descendait une pente, alayhi salatu wassalam. Tout cela nous a été cité dans sa description. Il avait, entre ses deux omoplates, plutôt vers le côté gauche, le sceau de la prophétie. Naam, c'est de la chair ou bien de sa peau qui sort et l'espace d'un petit œuf. L'espace d'un petit œuf. Naam. Et ça, c'est un signe de sa prophétie, comme on le voit dans le hadith de Salman al-Farisi. Et c'était un signe que connaissaient les gens du livre. C'est cité chez les gens du livre. Khatamun Nubuwa, sallallahu alayhi wa sallam. Voici brièvement sa description. Les sahaba disent, ma ra'aytu ajmala min. Je n'ai jamais vu plus beau que lui. Au point, un sahabi nous dit, je regardais un soir de pleine lune la lune. Et je regardais ensuite son visage. Je regardais la lune, je regardais son visage. Falawa indi ajmal min al-qamar. Puis le sahabi nous dit, pour moi, il était encore plus beau que la lune. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus belle des personnes. C'était la plus belle des personnes sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à 25 ans, où avant cela, il travaillait pour une femme qui se nomme Khadija bintu Khuwaylid, radiallahu anha. Elle était veuve. Elle avait été mariée auparavant à deux reprises. Elle avait été mariée auparavant à deux reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec 11 femmes. Puis il y a une divergence sur deux autres. 6 d'entre elles, na'am, min Quraysh. 6 d'entre elles faisaient partie de Quraysh. Wadah. 4 autres, min al-Arab. 4 autres, des Arabes, mais pas de Quraysh. Et une, min Banu Israël. Une, min Bani Israël. Donc ça fait 11. Quelles sont celles qui faisaient partie de Quraysh? Khadija. Aisha. Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وسودة بنت زمعة سودة بنت ماذا زمعة Quant aux Arabes ne faisant pas partie de Quraysh, il y en a quatre. Parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-elles? Les deux Zaynab. Zaynab bint Jahsh, Zaynab bint Khuzaymah. Il y a également Maymouna bint al-Harith et Juwayriya bint al-Harith. Radiallahu anhun. Quant à celle qui faisait partie de Banu Israël, qui était-elle? Safiya. بارك الله فيك صفية نعم عائشة ندي صفية était captive puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchie et l'a épousée. Elle dit lorsque je l'ai vue j'ai détesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse la voir celle-ci car j'ai su que lorsque son regard allait tomber sur elle il allait voir ce que j'ai vu d'elle c'est-à-dire que c'était une femme d'une grande beauté. Et effectivement, lorsque le prophète sallam l'a vu, il l'a affranchi, et ça a été son mari, et il l'a épousé. Que s'est-il passé par la suite? Les gens de son peuple, parmi les gens de son peuple, il y avait eu des captifs. Lorsqu'ils ont su que c'était min ummahat il mu'minin, sa fille a fait partie des mères des croyants, et nous on va garder en captif les gens de son peuple, eux aussi ont affranchi le mada, leurs esclaves. Alors Aïcha a dit, je n'ai jamais vu une femme ayant plus de bénédiction pour son peuple que cette femme. Non, que cette femme-là, Safiya radiallahu anha, elle faisait partie de Banu Nadir. Ummahatul Mu'minin, c'est ainsi qu'on les surnomme. Les mères des croyants. Les mères des croyants. Est-ce que ce sont les mères dans Al-Mahramiyya? Ça veut dire qu'on peut rester avec elles ou sans hijab ou... Non. Al-Ummahat, yani fi ta'zim wa fi l'ihtiram. وفي تحريم تزويجهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نعم هن أزواجه في الجنة. Ce sont nos mères, les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. Ce sont les mères des croyants. Et celui qui insulte ces femmes, ça n'est pas un croyant. À l'image de Rafid al-Dullal, qui insulte Aïcha, qui insulte Hafsa, qui insulte autre parmi les Sahaba. الذي يصب الصحابة ويضللهم أو جلهم أو يتهم عائشة بما برها الله سبحانه وتعالى منه فليس بمؤمن. Celui qui insulte les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui accuse Aïcha de ce dont Allah l'a innocenté. Naam, celui-ci n'a aucune part dans l'islam à l'image de Rafida qabbahahum Allah. Ils insultent les meilleurs de la communauté, les sahaba radiyallahu anhu. Ils insultent Abu Bakr et Omar, ils insultent Hafsa. Ils insultent Aïcha, notre mère, radiallahu anha. Kayfa yakunu muslimin, wa qad ta'anu fi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils pourraient être croyants alors qu'ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi 'irdihi sharif? Dans son honneur, ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu vas trouver des gens dire que ce sont nos frères. Ha'oula ikhwanuna? Ha'oula 'ala dinina? Nahnu nuhibbu as-sahaba. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب من كان يحبه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإن لله وإنا إليه راجعون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à 25 ans avec sa première épouse qui était qui? Khadija bint Khuwaylid, alors qu'elle avait été veuve auparavant. Elle travaillait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle donnait son argent et lui faisait du commerce pour elle. Il voyageait avec son servant Maïsar et au retour il lui donnait les gains et elle lui donnait son salaire. Puis les gens ont dit à Khadija, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas avec Mohammed? Il a telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Elle a accepté. Alors le prophète sallam s'est marié avec elle. Il avait quel âge lui? On a dit 25 ans. Et elle était son aînée de combien? De 40 ans? Non. De 15 ans. Elle avait donc 40 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khiyar Shababi Quraysh, le meilleur de la jeunesse de Quraysh, le plus noble, le plus beau. Sa première épouse et son aîné de combien? De 15 ans. Ça y est? Elle s'était mariée combien de fois auparavant? Deux fois. Et aujourd'hui, tu trouves le Shab, il vient voir son père et il dit, Ya Rabbi, je veux marier avec telle femme. Lui, il a par exemple 25 ans. Elle a quel âge cette femme? Elle a 25 ans. Il dit quoi? Une vieille femme. Hein? Ajouz un aqim. Parce qu'elle a son âge. Non, faut que tu ramènes une plus petite. Sinon, c'est pas bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur nous? Hein? Nous, on est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ça rien, là, là. Ou bien, elle est divorcée. Tayyib. Ahiya saliha. أهي طواعة لله عز وجل هذا هو المقصود سالي بيوز فهي خير النساء أليس كذلك؟ Est-ce qu'il y a une femme في العالم qui équivaut à خديجة رضي الله عنها؟ Oui ou non? Non. Il n'y a pas une femme qui pourrait se comparer à خديجة رضي الله عنها. Au point où certains parmi les savants disent que c'est la meilleure femme du monde. La meilleure femme du monde, Khadija radiallahu anha. Donc ça c'est des mafahim. La buddha nous sahih al-mafahim. Il faut corriger ces compréhensions, ces idées reçues. Elle est plus âgée, alors on ne peut pas l'épouser. C'est mal, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, elle avait 15 ans de plus que lui. Hein? Certains disent non, parce que sinon elle ne pourra pas avoir d'enfant, wakada wakada. D'accord. Le prophète sallam s'est marié avec 11 femmes. Sahih? De qui il a eu ses enfants? Khadija, ajib. 15 ans de plus. Yani, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle avait 40 ans. Naam. Elle est décédée, certes, quelques années par la suite. Pourtant, d'elle, il a eu ses enfants, ses garçons, ses filles. Sauf un seul enfant qu'il a eu de qui? Marie al-Qobtiya, Ibrahim. Wadih? Donc, quand tu choisis une épouse, فَذْفَرْ بِذَاتَ الدِّينِ بِذَاتِ الدِّينِ وَتَبِرْ تَرِبَتْ يَدَكْ. Le prophète sallam te dit comment tu vas choisir ton épouse. Il dit choisis celle qui a la religion, celle qui est pieuse. Combien sont ceux qui viennent en larmes parce qu'ils souffrent? Ils ont pris une femme pour parce qu'elle leur plaisait que physiquement. Ils n'ont pas regardé din. Naam. La beauté, elle disparaît. Ils ont pris une femme pour l'argent. L'argent, elle disparaît. Ammal din, il fait qu'augmenter bi'idhnillahi azza wa jal. La piété, elle ne fait qu'augmenter bi'idhnillahi azza wa jal. Plus elle se prosterne, plus elle adore Allah, plus Allah mettra dans ton cœur de l'amour pour cette femme-là. Donc c'est comme ça que tu choisis ad-din. Si elle a ad-din, consulte tes parents. Naam. La ourte, elle est comme ça, comme ceci, comme cela, kada, kada, j'aimais ceci, cela. Wa tastashiruhum. Naam. Et tu les consultes. Barakallahu fik. Dans sa lignée Khadija, sa lignée, elle remonte également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle fait partie des gens proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dans avec Qusay. Dans la lignée, une personne s'appelle Qusay. Plus proche qu'elle, Ummu Habiba. Ummu Habiba est encore plus proche que du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa lignée, car elle remonte, elle, au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdul Manaf. Abdul Manaf est plus proche que Qusay. Khadija radiallahu anha s'était mariée avec Abu Hala, puis avec Atiq, ou bien le contraire, dans l'ordre. Donc le prophète sallam l'a épousée. Il n'a vu d'elle que du bien. et il n'a vu d'elle que du bien. Elle a comme qualité des hadiths qui nous sont parvenus, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de passer le salam à Khadija de la part de son Seigneur. Hal ba'da dhalika min ikram? Hein? Subhanallah. Hada Jibril, le conseil me dit à Khadija, Hada Jibril, voici Jibril, qui t'informe que Allah te passe le salam. Une sahab ta'bir en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle qu'elle faisait partie des femmes du paradis. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'elle a une maison au paradis. Alors Aïcha dit, personne parmi les femmes n'a été jalousée comme celle-ci ne l'a été. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait toujours d'elle. Au point où un jour Aïcha radiallahu anha s'est montrée jalouse. Elle a dit, elle était comme ceci, elle était comme cela, et Allah t'a remplacée par une femme jeune comme moi. Pourquoi tu ne cesses de la citer, celle-ci? Alors qu'elle était comme ceci, elle avait tel âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Allah ne m'a jamais remplacée par une meilleure femme qu'elle. Aïcha dit, Allah t'a remplacé par meilleur. Yani elle est âgée, moi je suis jeune, wakada wakada. Rossel m'a dit, jamais Allah ne m'a remplacé Khadija par meilleur que elle. C'est pour ça que certains savants ont dit, la meilleure des femmes, c'est Khadija. Pourquoi Aïcha a été jalouse? Parce que Rossel m'a kané yuksiru midikriya. Il parlait toujours, Khadija l'a fait ceci un jour, Khadija elle était comme ça, Khadija elle était comme ceci, Khadija elle était comme cela. Naam. Et si la femme voit de son mari qu'il cite telle personne, et qu'il penche vers telle personne, à ce moment-là, la jalousie naturelle, elle sort sur la lampe. Alors le prophète sallam s'est mis en colère contre elle. Et lorsqu'il recroisait Aïcha, il lui disait, c'est toi qui parles de Khadija? C'est toi qui cites Khadija? Et il faisait ses éloges. Il faisait ses éloges. Tout le temps, il parlait. Au point, lorsqu'il sacrifiait une bête en sadaqa, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait aux proches de Khadija et aux amis de Khadija. Après sa mort, le prophète sallam encore la citait en bien et il faisait des sadaqat. Aussi, le prophète sallam, il était marié avec des femmes et l'homme, tout comme la femme, est sujet aux défauts. Non, bien que ces femmes-là étaient les meilleures femmes du monde. Mais il y a une différence avec Khadija, c'est que de Khadija, il n'a jamais vu un mal. Elle ne lui a jamais nui par une parole, par une action. Et ça, c'est une chose, si je peux me permettre, qui est impossible pour une femme. Hein? Les femmes, elles entendent ou pas? voyez. Moi, j'habite pas ici à la Koulihel. Donc, sahih Ammel, là. Sahih. Barakallah fik. Comme ça, on est deux dans le problème. Toyeb. C'est impossible qu'une femme ne cause pas un désagrément à son mari, même si son mari c'est le meilleur des hommes. Ça y est. Tout comme c'est impossible que l'homme soit parfait envers son épouse, même si, yani, c'est un homme pieux et tout ce que vous voulez. D'accord? Khadija radiallahu anha, ça a été le meilleur soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam ba'dallah. C'est la première à avoir embrassé l'islam. Avoir cru au prophète sallam, avant même les hommes. C'est la première qui s'est convertie à l'islam. Elle a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a aidé dans sa mission. Elle a donné son argent. Elle a donné sa maison. Elle a tout donné pour le prophète sallam. Elle l'a renforcé. Allah a renforcé le prophète sallam par Khadija, une femme. C'est ainsi qu'est la femme pieuse. Si Allah azza te facilite la femme pieuse, c'est ainsi. Dans la difficulté, elle te renforce. Dans la pauvreté, elle t'enrichit. وهكذا كان عندها problem هي تدعو لك بارك الله فيكم. Et les hadith et les histoires concernant Khadija sont très nombreux. D'elle il a eu ses enfants. طيب. Parmi les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 4 filles. نعم. Il y a Fatima qui est la meilleure d'entre elles. Il y a Ruqayya, il y a Umm Kulthum, il y a Zainab. Naam. Fatima est la plus connue, c'est l'épouse de Ali ibn Abi Talib. Deux d'entre elles ont été mariées à Othman l'un après l'autre. Auparavant, elles étaient mariées à leurs cousins ou des hommes de leur femme. Tayyib. L'une est décédée, puis le Prophète lui a marié une deuxième. Na'am, puis elle est décédée également. Donc les filles du Prophète sont décédées de son vivant, sauf une, qui Fatima. Elle est décédée environ 6 mois après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses enfants, il a eu Al-Qasim. C'est sa kunya. Quelle était la kunya du Prophète? Abu al-Qasim. Il a eu Abdullah, qu'on surnomme aussi Al-Tahir wa Tayyib. Certains disent que ce sont des enfants différents. Naam. Il a eu Ibrahim, qui est décédé suite des maladies. Ses enfants, subhanallah, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont décédés de son vivant. Donc, ô toi qui as été éprouvé par la perte d'un enfant, naam, tu as une consolation dans cela. Si toi tu as perdu un enfant, le Prophète a perdu tous ses enfants sauf Fatima de son vivant. Allahu Akbar. Comment est-ce qu'il s'est comporté lorsqu'il a perdu ses enfants? Bissabri wa l'ihtisab. Wa bi dhikrillahi azza wa jalla. Il dit lorsqu'il perd son fils Ibrahim, innal ayna tadma' wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Certes, les larmes coulent, le cœur s'attriste, mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. C'est ça le comportement du prophète. Il voit sa petite fille décédée. Il voit sa petite fille décédée. Il pleure. On lui dit, même toi, au messager d'Allah, c'est-à-dire toi aussi tu pleures. Il dit oui, c'est une rahma qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Mais on ne dit que ce qui plaît à Allah. Donc le prophète m'a eu cette épreuve. Tu as une consolation dans cela. Subhanallah. Tous ceux qui sont éprouvés, en étudiant la sirah du prophète, ils trouvent une consolation. L'orphelin, le prophète a eu le plus haut niveau de yutm. Il a perdu son père, il est orphelin, puis il a perdu sa mère, puis son grand-père, puis son oncle, puis Akana. Il a perdu ses enfants. Il a été éprouvé, le prophète, mais il s'est montré endurant. Certains savants ont dit, pourquoi est-ce qu'il a été orphelin? C'est une éducation d'Allah Azza wa Jal. Quels sont les premiers mots pour la plupart d'entre nous qui ont été prononcés? On nous apprend à dire quoi? Les parents, quand ils sont devant toi? Hein? Papa. D'accord? Les enfants, ils ont un petit peu de la gratitude parce que c'est la mère qui fait tout et après le premier mot, ils disent papa. Ça? Parce que c'est plus facile. Non? Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si Allah avait voulu le préserver afin que ses premiers mots soient Allah, afin que sa première direction soit Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne voit pas son père. Et il ne compte que sur Allah azza wa jalla. Ne vois-tu pas le jeune dans le quartier qui n'a pas de grand frère? Ne vois-tu pas sa faiblesse à côté des autres? Naam. Lui, il a son frère, lui, il a son cousin, lui, lui, lui. Toi, t'as qui? Si on te demande, dis-moi, j'ai Allah. Si t'as Allah avec toi, t'es le plus fort. Si t'as Allah avec toi, t'es le plus riche. Ah, kala barakallah, fait que le Prophète sallam, on l'éduque depuis tout petit à se diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala. On le prépare à ne compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala, car sa mission, celle qui l'attend, fait partie des plus lourdes. C'est la plus lourde. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un autre événement dans sa vie, le quatrième qui est Bina ou le Kaaba. Vous savez tous qu'Ibrahim et Ismaïl ont élevé les fondations de la Kaaba. Naam, ma'arouf dans le Coran, dans surat al-Baqarah. Puis, elle a été touchée, la Kaaba, et dégradée. Alors, Quraysh ont reconstruit la Kaaba. Mais ils voulaient prendre que des choses halal. Alors, ils l'ont refaite. Et ils n'avaient plus de provisions pour la compléter. Alors, ils ont laissé un espace qu'on appelle Al-Hijr. Vous voyez, lorsque vous faites le tawaf, il y a un demi-cercle. Ça fait partie aussi de la Kaaba, mais il n'y avait plus de pierre pour finaliser ou compléter la Kaaba comme Ibrahim et Ismaïl l'avaient fait. Alors ils ont laissé cet espace-là. Naam, c'est pour ça que le prophète sallam a dit, après l'ouverture de Mecca, à Aïcha, si ton peuple n'était pas nouveau dans l'islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire comme l'avait fait Ibrahim. Une porte par laquelle on entre et une porte par laquelle on sort. Et Quraysh avait fait quoi? Ils avaient élevé la Kaaba pour que ne rentrent que ceux que eux permettront, que ceux à qui eux permettront. Naam. Mais sinon la porte, elle était au niveau du sol. Et il y avait une porte pour entrer, une porte pour sortir. Et elle était plus grande du côté de Al-Hijr. Elle était plus grande du côté de Al-Hijr. Pourtant, le Prophète l'a laissée pour ne pas faire de fitna. Pour ne pas faire de fitna et que pour pas que les Arabes disent, regardez, il a ouvert la Mecque, maintenant il détruit le Kaaba wa Kada et qu'il ment sur lui et que ça éloigne les gens de l'islam. C'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, qui sont recommandées. On les délaisse pour pas que ça amène une fitna. Tu délaisses momentanément une sunna, tu l'enseignes aux gens et ensuite tu mets en pratique cette sunna. Avec sagesse, comme ça, les gens vont aimer la sunna et ils vont mettre en pratique la sunna. Donc au moment de faire la Kaaba, que s'est-il passé? Arrivé à la pierre noire, ils ont divergé entre eux. C'est notre tribu à nous. Ils ont dit non, c'est nous. Mettre la pierre noire, c'est une noblesse. Alors ils sont tombés d'accord sur une chose, laquelle ils ont dit, le premier qui entre, c'est lui qui va juger, qui jugera entre nous. Qui est entré? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore prophète. Non. Ils ont dit Hada al-Amin. Son surnom, c'était le propre, celui qui est une personne droite, sage, de confiance, wa hakada. Il est entré, comment est-ce qu'il a jugé entre eux? Il a dit, mettez un tissu et mettez la pierre noire dessus. Puis chaque personne enverra une personne de chaque tribu. Ils vont tous tenir le tissu pour mettre ensemble la pierre noire et la fitna s'est éteinte. C'est-à-dire, avant même de recevoir la révélation, c'était quelqu'un de sage. Non, c'est quelqu'un qui prenait du recul dans ses affaires, sallallahu alayhi wa sallam, et qui était loin de tout problème. Ça, c'était 10 ans après son mariage avec Khadija. Donc, il avait 35 ans. Il avait 35 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Nombreux sont les choses arrivées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses importantes à savoir, c'est qu'Allah azza wa jalla l'a préservé. Avant même qu'il soit prophète, Allah l'a préservé des turpitudes, Allah l'a préservé du mensonge, Allah l'a préservé des grands péchés, et ainsi. Il a été préservé, sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, c'est-à-dire avant de recevoir la révélation. Et un des plus grands événements, c'est quoi? C'est Nuzul al-Wahy, Ali li awwali marra. C'est la première fois qu'il a reçu la révélation. Il avait 40 ans. Il était à Mecca, dans une grotte qui s'appelle Hira. Il avait l'habitude de se recueillir, de se retirer dans cet endroit. Naam. Puis il a reçu la visite d'un ange, Jibril, qui est l'ange de la révélation. Il lui est venu et lui a dit, « Iqra, lis. » Le prophète sallam a répondu, « Ma nabi qali, je ne suis pas du nombre de ceux qui savent lire. » Naam. Alors il fut saisi d'une étreinte telle qu'il a eu peur pour sa vie. Puis il l'a relâché. À nouveau, il lui a dit, Iqra, lis. Il lui a dit, je ne suis pas du nombre de ceux qui lisent. Et il lui a fait la même chose. Puis une troisième fois, Iqra. Puis il lui a transmis les cinq premiers versets de Suratou. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est avec ces versets que le Prophète sallam est devenu prophète. Que s'est-il passé? Il a eu peur. Il est rentré chez lui. Khadija radiallahu anha le trouve dans cet état. Et là, tu vois l'effet de cette femme intelligente, de cette femme pieuse, de cette femme qui secourt son mari dans l'adversité. Elle l'a attrapé. Elle lui a dit, que t'arrive-t-il? Et il lui a raconté. Elle lui a dit, qu'Allah, non, jamais Allah ne t'abandonnera. Jamais Allah ne t'humiliera. Puis elle a cité ses qualités. Tu aides les pauvres, les orphelins. Tu es véridique, tu es. Et celui qui est comme cela, Allah Azza wa Jalla, il est hakim. Allah Azza wa Jalla, il est alim et rahim. Il ne va pas t'abandonner. Puis la révélation s'est arrêtée un temps. Plus tard, il a reçu à nouveau de la révélation, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Les versets de Sourate al-Muddathir, c'est ainsi qu'il est devenu messager. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de transmettre le message. Il a commencé par ses proches. Khadija a immédiatement cru en lui. Abu Bakr, le premier parmi les hommes, il a réuni sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, les a invités à l'islam. Savez-vous ce que lui a répondu son oncle? Il lui a répondu, Tabban lak, que tes mains perdent, ça ira mieux, pour toujours. Alors Allah Azza wa Jalla a défendu le prophète. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Non. Qui est-ce qui a cru en lui? Un enfant. Qui était cet enfant à cette époque? Ali ibn Abi Talib. Il a cru au prophète, il l'a suivi et n'a pas adoré les idoles comme le faisaient pourtant sa famille, les nobles de Quraysh. Et de là, tu comprends l'erreur commise par ceux qui disent un tel ne lui prête pas attention, c'est un enfant. Ou bien, Wada, Sahir, Hada, là, Ali ibn Abi Talib, cet enfant qui a embrassé l'islam à ce moment-là, c'est devenu qui plus tard? C'est devenu Amirul Mu'minin. Donc l'enfant, si tu l'éduques, si tu le préserves du mal, tu l'orientes vers le bien, tu le mets en garde contre le mal, tu lui enseignes, il a la connaissance, la sagesse, les nobles caractères, qu'il est amené à devenir quelqu'un qui aura une grande place. Bi'iznillahi azza wa jal. Il se peut qu'il soit le guide de toute une communauté. Il se peut qu'il soit un grand dirigeant et qu'il ait, yani, de lourdes responsabilités. Et donc il ne faut pas minimiser la jeunesse, ni négliger, ni mépriser. Tout comme l'enfant, il ne doit pas dire « un tel est vieux, il ne comprend rien ». A'ouzou billah. Là, « Laysa minna man lam yuwakir kabirana ». Na'am. وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعُلَمَائِنَا حَقَّ. Le prophète sallam dit, n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas les personnes âgées, qui n'a pas pitié pour les enfants et qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. Donc à chacun tu dois accorder na'am sa place. هذا مهم جدا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani Abu Bakr, a appelé ses proches, ses amis à l'islam, et les plus grands compagnons se sont convertis, comme Az-Zubayr, Na'am, Al-Mubasharun, ce qu'on appelle Al-Mubasharun, Bil-Jannah. Il a donc commencé sa da'wah en commençant par ses proches. Quel fut le retour? Est-ce qu'il a, pour faire da'wah, il a dit comme le font certains, on va voyager dans tel pays, au Pakistan, ou bien en Inde, ou bien? Ou non? Non. Ton père est assis à côté de toi, à ta droite, ta mère à ta droite, ton frère en face de toi. Au lieu de parler à tes proches, ceux qui t'ont mis au monde, non, tu vas délaisser tes proches, tu vas délaisser ta famille, et tu vas aller dans un autre continent. Hada ma'khouli khwani? Ma'khoul omla? Tu laisses tes parents, tu laisses ta famille, tu as une épouse, tu as des enfants, et tu les laisses? Et tu dis que moi je vais faire da'wah. Mas'ouliyatuka huna. Ta responsabilité elle est là. Tes parents. Ton jannah il est auprès de tes parents. Ton épouse, tes enfants. Tu les laisses à qui? Hein? Qui est-ce qui va dépenser pour eux? Qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Puis il dit, moi je vais faire da'wah. Toi tu vas faire da'wah. Celui qui ne respecte pas ses parents il fait da'wah. الذي ما يحترم أبويه نعم ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. Celui qui respecte pas ses parents, il n'est pas du tout sur le chemin du prophète صلى الله عليه وسلم. Même si tes parents ne sont pas musulmans, ils ont un droit immense sur toi. Ils ont un droit immense sur toi. هذا ديننا. Ça c'est notre religion. Tu commences par tes proches parents, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a commencé par ses proches parents dans la da'wah. نعم هذا في القرآن. هذا في القرآن. Il a appelé ses proches jusqu'à son dernier souffle. Il a appelé Abu Talib à l'islam jusqu'à son lit de mort. Il l'a appelé à l'islam. هذه هي الدعوة. Par quoi est-ce que le prophète sallam a commencé son prêche? Est-ce qu'il a commencé par le bon comportement? Est-ce qu'il a commencé par la salat? Non, il a commencé par la purification de la croyance. Car si le cœur est purifié du culte de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, tout va se refléter sur la personne. Sa religion, elle sera pure, ses fondations seront solides, et à ce moment-là, il pourra construire et mettre sa salat, sa zakat, al-siyam, al-hajj, wa hakala. Birrul walidayn, silatul arham. Par contre, s'il n'y a pas la ilaha illallah, tu peux faire autant d'actions que tu veux. Allah Azza wa Jal n'acceptera pas cela de toi, yawm al-qiyam. قال الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. S'ils avaient fait du politisme, toutes leurs œuvres seraient devenues vaines. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah عز وجل nous parle des actions de ceux qui viendront sans la ilaha illallah yawm al-qiyamah. Il dit que leurs actions deviendront poussière éparpillées. الدعوة إلى الله عز وجل. Tu vas regarder ce qu'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم et faire comme lui. Il est venu et il leur a dit: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Cette parole, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé a quoi? A des dents. Si tu viens avec cette clé et que tu as les dents, ça te sera ouvert. Dans le cas contraire, ça ne te sera pas ouvert. Les dents de cette clé, c'est les conditions de la ilaha. Tu dois dire la ilaha en comprenant ce que tu dis. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqin illallah. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'alim kabir. Tu dois dire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Tout ce qui adore en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Na'am, toutes les adorations c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le prêche des prophètes, c'est ça le prêche du prophète Mohammed sallam. Il leur a dit de dire la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un 'ajab. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités, Lat, Al-Uzza, Rubal, et ainsi de suite, une seule divinité? Ils ont dit, c'est étonnant. Ils l'ont insulté. Innam kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la taliku alihati la sha'irin majnun. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil. Ils disaient, est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lui s'est mis à les insulter? Est-ce que lui a changé le prêche qu'Allah lui a ordonné? Non. Il a patienté. Il a enduré. Et c'est le comportement que nous devons avoir. Tu endures. Tu apprends. Tu apprends ta croyance. Tu apprends ta religion. Tu apprends l'arabiya. Tu apprends le fiqh. Tu apprends le sirah. Tu apprends le mustalah. Tu apprends. Tu mets en pratique. Tu prêches, tu transmets en commençant par tes proches parents. Puis les autres, puis les voisins, puis lui. Et wakana. Na'am. Puis tu endures devant les nuisances, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut faire da'wah, da'wah ça fait partie des meilleures actions auprès d'Allah azza wa jalla. Mais dans toute chose qui a une grande place, il y a des règles à observer. Si tu entres dans une multinationale, tu viens, tu fais comme tu veux, le premier jour tu viens travailler, tu fais ce que tu veux. Non, ben ça c'est encore plus grand. Et cette dîme, c'est pas dunya, et c'est pas... Ah, ça appartient pas à tel patron, mais à dunya, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Ce din, cette da'wah. Donc tu dois suivre le prophète sallam dans la da'wah. Il les a appelés au tawhid. Pendant 10 ans, il les a appelés au tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé son message pour la plupart d'entre eux. Ils l'ont insulté, ils ont menti sur lui, ils ont propagé de mauvaises choses. Ils ont même agressé ses compagnons. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté. Il a enduré et il faisait da'wah. 10 ans plus tard, que s'est-il passé? Al-Isra wa al-Mi'raj. Il y a eu l'ascension. Allah Azza wa Jalla élevé. Après avoir fait le voyage de nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis, ensuite il a été afwan élevé, premier, deuxième, jusqu'au septième ciel. Na'am. Et là, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné les prières. Ça, c'est un grand événement dans la vie du Prophète sallam, al-Isra wa al-Mi'raj. Donc la prière a, à ce moment-là, été rendu obligatoire. Donc le prophète sallam, pendant 10 ans, il enseigne aux gens, il enseigne la bonne croyance, il enseigne la connaissance d'Allah. 10 ans après seulement, il y a eu la prière légiférée de Raqqa. Puis 2 ans après, il y a eu un grand événement, Al-Hijra. Environ 2 ou 3 ans après, il y a eu Al-Hijra. Ils ont quitté Mecca pour aller à Al-Madinah. Là-bas, les Ansar l'ont accueilli. Ils ont secouru le prophète sallam et c'est devenu la première terre. Masjid Quba a été fait, puis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'islam a commencé à se propager. Naam. Je pense que le temps qui m'a été apparti est terminé. Hakada. Donc, je ne vais pas être trop lourd pour ceux qui attendent la prière. Et, inshallah ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse une autre assise pour prendre la deuxième partie de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis une troisième partie qui consistera à citer les effets de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, parmi les plus grands points, il y a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Si tu le connais, tu pourras le suivre, le prendre pour exemple. Aussi tes actions seront acceptées chez Allah, car tu vas le prendre pour exemple et Allah accepte que ce qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en conformité avec ses actions. Wallahu a'lam وقبل الختام أشكر المسؤولين والقائمين على هذا المسجد وأدعو الله لكم بالتوفيق والبركة والسداد والثبات وأدعو لكم ولنا جميعا نسأل الله عز وجل كما نكرمنا بهذا الاجتماع في هذا المسجد في بيت من بيوت الله نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا في جنات النعيم كما نسأل تبارك وتعالى يغفر لنا ولكم ويغفر لوالدينا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا كالله يكمبونس كل الخير سبحانه pour cette noble action ainsi que ceux qui nous ont accueillis dans cette mosquée ceux qui se sont fatigués pour nous وجزاكم الله خيرا وأعتذر على الإطالة. Je m'excuse d'avoir tardé.